culture. Radio Antigone. Les carnets culture du vendredi. Le podcast. Il va vraiment falloir que j'arrive à bidouiller le cap pour pouvoir poser mon téléphone parce que j'avoue que je commence à avoir mal au bras gauche. Et puis je n'ai plus qu'une main, donc c'est pas très pratique. Les carnets culture, c'est quoi ? Chaque jour, nous vous proposons une ou plusieurs activités à faire ce week-end. Aujourd'hui, il va sûrement y avoir que celle de maths, puisqu'on est un peu juste au niveau du temps avec tous ces problèmes techniques. Matt, qui est en forêt et au téléphone avec une qualité de son un petit peu moins bien que d'habitude. Matt, que nous proposes-tu pour ce week-end ? Ah, attends, alors attendez. Alors, il me fait pas sortir le son au bon endroit. Bon, et puis on n'entend pas Matt de toute façon. Ici, je suis bien là. Ici, je suis là. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Vas-y, je t'entends. Ah, voilà, et donc... Bah là, on t'entend plus, hein. Là, maintenant, on t'entend plus. Je veux pas dire... C'est... Est-ce que tu veux m'envoyer par message ton carnet culture que je puisse le relayer à l'antenne? Tu me dis en général ce que c'est. Je pourrais faire une rapide recherche et puis on écoute de la musique parce que là... Musique, France 2, ce soir, fête de la musique, dimanche, France Inter, 10h, 1h. Fête de la musique, ce soir, France Inter, 10h. Catherine. On a vraiment du mal à t'entendre, Matt, mais j'ai cru comprendre en tout cas de quoi tu voulais parler. Donc, tu voulais bien sûr nous parler de la fête de la musique, puisque c'est quand même eh bien, la période, hein, le week-end. Et tu nous parlais donc du concert dont on a parlé tout à l'heure dans le programme télé ce soir sur France 2. Il sera en direct et tu nous as parlé de France Inter, puisqu'effectivement... Radio France propose 3 jours qu'ils ont appelé 3 jours de fête, une fête de la musique 2020 inédite avec Radio France. Et puis donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a. On a quand même 3 jours de fête sur toutes les antennes de nos concurrents. Non, pas concurrents, ne vous inquiétez pas. De nos confrères de Radio France. Donc vous avez le concert Tous Ensemble pour la musique ce soir qui sera sur France Bleu. Et en best-of de session live sur FIP. Demain samedi, vous avez du hip-hop féminin sur Move et Discord D. Et une nuit de création sur FIP. Et ce dimanche, vous avez 4 choses. Vous avez Tout pour la musique, avec France Inter qui consacre une journée complète aux artistes, interprètes et investit l'Olympia en soirée. Le dimanche 21 juin, vous retrouverez 4 artistes pour une soirée France Bleu Live. Alors, je vais essayer de vous trouver la liste des artistes. Alors, attendez. Déjà, revenons à cette journée spéciale sur France Inter du dimanche. Toute la journée, France Inter consacrera donc son antenne aux artistes interprètes avec plusieurs temps forts. Vous aurez à 11h le concert de Pomme. À 15h, un atelier fantôme de Christophe. 2h, d'hommage aux chanteurs disparus récemment. À 17h, le best-of des soirées pyjama du confinement avec Stéphane Escher, Louis Chédid, Christine and the Queen, Clara Luciani et Izia. À 18h, un concert de Louise Attaque avec un live pour replonger dans le premier album du groupe. À 21h, un concert de Philippe Catherine. Et à 22h, un DJ set, le d'Étienne de Crécy. Et c'est bien sûr en partenariat avec l'Olympia, le Crédit Mutuel et la Fête de la Musique. Et donc, je vous l'ai dit, le dimanche 21 juin, France Bleu, en partenariat avec Huyard, vous invite à un set de 19h à 20h. Voilà, il y aura Claudio Capéo, ça sera de 20h à 22h, Benabar également, et Noé Puesso et Sam qui seront un peu avant. Soirée spéciale également ce dimanche sur France Musique. La radio va vous offrir une soirée spéciale en réunissant des artistes de musique classique, de comédie musicale et de jazz. Vous aurez la participation des musiciens de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça sera en direct à partir de 20h du studio 104 de Radio France. De 20h à 23h, vous aurez 3 heures de musique réunissant des artistes de musique classique, de comédie musicale et de musique du monde du jazz, avec la participation, encore une fois, de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà, vous avez vraiment plein de choses. Vous aurez Teddy, Papa Vrami, Trio Zadig, La Chapelle Harmonique de Valentin Tourné et les animateurs Alex Vizorek et Thibaut Garcia. Et puis on termine avec des siestes sonores sur FIP et une soirée Maison Lafitte Jazz Festival. Ça, c'est à 15h en Facebook Live pour les siestes maths. On ne t'entend pas à l'antenne parce qu'il faut que je rebranche mon câble. Mais je t'explique en parlant. C'est compliqué de brancher un câble qui est à 3 km de soi. Alors attends, j'arrive. Voilà, on te branche et là, on t'entend à l'antenne, Matt. D'accord, tu ne dis plus rien. Allô, Matt? Bon, on n'entend plus Matt. Allô? Oui, ça y est. Putain, je viens de faire la connexion incroyable. Non, on t'entend maintenant. On entend. Attends. On t'entend, allô, oui, on t'entend. Si tu m'entends, répète, chou-fleur. Chou-fleur. Yes! C'est pas trop décalé, parce que normalement, sinon, genre le son, bref, c'est un... C'est un bazar pas possible, désolé. Je vais donc, oui, vous parler de la fête de la musique. Bon, non, on ne t'entend plus. Matt, je suis désolé. Voilà, bon, donc je vous ai parlé de la fête de la musique, j'espère avoir évoqué... J'ai cru entendre qu'on avait très bien parlé. C'est catastrophique, Matt. Je suis désolé, Matt, ça coupe... Voilà, je suis désolé, j'ai fait donc un peu tout ce que tu m'avais proposé, et oui, je vois que tu m'avais envoyé un message, j'ai vite compris hein, que tu nous parlais de Radio France, donc je suis allé sur les dossiers presse, hein. J'ai essayé de communiquer au maximum, je suis désolé, on a vraiment du mal à t'entendre, donc voilà, plein de choses à voir sur les antennes de Radio France, vous pourrez vous faire plaisir, profitez-en, c'est le service public en plus qui vous propose de très bons programmes. Voilà, merci Matt pour cet excellent carnet culture que j'ai partagé à l'antenne, préparé donc par Matt et improvisé à l'instant par moi. Voilà, non, je m'envoie pas des fleurs, non, pas du tout. Tous les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.